bonjour et merci d'être à l'écoute de Viva San Dino. Ce que vous entendez, c'est la musique qui jouait jeudi passé dans le parc central d'Estélie, 2 jours après le passage de l'ouragan Félix. Bon, c'est pas que les gens ici avaient le cœur à la fête, c'est que la communauté, avec l'aide de la Défense nationale, a organisé une collecte de nourriture, de vêtements et de denrées non périssables pour venir en aide aux milliers de victimes de l'ouragan. Ce mouvement de solidarité a été vraiment touchant à voir parce qu'en peu de temps, des hommes, des femmes et des enfants qui n'ont à peu près rien se sont mobilisés. D'autres Nicaraguayens souffraient et il fallait alléger leur souffrance, leur donner un peu d'espoir. Et les citoyens d'Estélie ont répondu à l'appel, soit avec son sac de riz, celui qui allait nourrir la famille pour le mois prochain, ou son sac de vêtements qui allait être trié par des bénévoles. D'autres ont préféré donner de l'argent sonnant, une denrée bien rare pour le Nicaraguayen moyen. Tout cet effort, et j'ose dire sacrifice, pour 100 000 sans-abri qui vivent à des centaines de kilomètres dans un coin très reculé du pays. Loin des yeux, mais pas loin du cœur. Encore plus touchant, c'est qu'à ce moment-là, on ne connaissait pas l'ampleur des dégâts. L'information venait au compte-gouttes parce que Félix avait tout déraciné sur son passage, poteaux d'électricité, lignes téléphoniques, tours de contrôle. Et les médias parlaient d'une dizaine de morts. Et pourtant, en ce fameux jeudi de générosité, Félix était au cœur des préoccupations des gens, peu importe le bilan final, qui par ailleurs ne cesse d'augmenter. Cette semaine a suscité en moi de nombreuses réflexions sur le journalisme. Lundi passé, Félix avait attiré l'attention de nombreux médias. Mardi matin, il faisait la une de tous les journaux importants de la planète, avant même d'avoir touché terre. Et jeudi, Félix était une simple dépêche en page A7. L'intérêt des médias s'était essoufflé à une vitesse presque aussi fracassante que celle de Félix. Et quand l'indifférence frappe à 200 km/h, ça donne tout un coup à son sentiment d'appartenance à la communauté journalistique. J'ai toujours dit que nous, journalistes, étions les experts de l'éphémère. Mais en vivant dans le pays où la crise se produit, parmi les gens qui souffrent, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien d'éphémère dans 68 morts, 138 disparus, plus de 100 000 sans-abri, dont plus de la moitié sont des enfants, 13 000 maisons détruites, 10 000 tonnes métriques de nourriture nécessaire. Et une semaine après Félix, plus de 30 000 personnes ont toujours faim parce qu'il n'y a pas assez de camions pour distribuer les vivres dans les communautés isolées. Est-ce que ce bilan est assez important pour qu'un journaliste se rende à Puerto Cabezas pour nous raconter la vraie histoire de cet ouragan? C'est-à-dire d'aller au-delà des chiffres et de nous montrer qu'encore une fois, ce sont les pauvres d'un pays qui sont les plus touchés par les désastres naturels. Les pauvres ont seulement les moyens de se payer ou de squatter les terres les plus inhospitalières d'un pays. Au Nicaragua, ce sont les autochtones mesquitos de la côte atlantique. Aux États-Unis, ce sont les Noirs de la Nouvelle-Orléans. Mes collègues journalistes me diront qu'on ne peut pas couvrir tous les désastres naturels en profondeur. Je leur répondrai « non ». Mais ceux que nous choisissons de couvrir à coups de grands titres et de directs à tous les grands bulletins de l'heure, c'est notre devoir de le faire. Sinon, on fait du journalisme de sensations fortes. Et j'irai même plus loin, on méprise bien souvent la couverture des désastres naturels. Tout grand média a son monsieur catastrophe. Mais bien souvent, derrière les désastres dits naturels, se cache l'hommerie. Katrina est un bon exemple. La famine en Éthiopie dans les années 80 en est un autre. Sans journalistes sur place et qui font enquête, on ne l'aurait jamais su. Et le viaduc de la Concorde, ça aussi, c'est un act of God. Après le passage de Félix, une résidente d'Estélie m'a dit « Vous, les journalistes, les catastrophes et les désastres naturels vous font saliver. Plus le nombre de morts est grand, mieux c'est. » Mon copain journaliste lui a répondu « On ne souhaite aucun mal à personne. On veut tout simplement être sur les lieux, être des témoins oculaires et raconter l'histoire des gens qui souffrent. » Et moi, j'ai tout de suite pensé que malheureusement, ce type de journalisme était devenu une denrée rare et maintenant périssable. Sur une note un peu plus humoristique, je vous laisse sur cette belle image. Je prenais une marche dimanche après-midi dans les rues d'Estelí et tout à coup, j'ai vu à travers une porte d'entrée de maison un homme assis dans son salon en caleçon bleu poudre. Ouais, il avait les mamelons et le bedon bien pendants. La notion d'intimité au Nicaragua est bien élastique, tout autant que l'élastique de ce fameux caleçon bleu. Peut-être que cet homme a donné sa chemise et son pantalon aux victimes de Félix. À la semaine prochaine.